Yo, AXS, ouais. Apocalypse, Antilope, ça, Oxmose. Pas de vie sans haine, pas de journée sans peine. Ici, pote, il m'avait tout dit, faut que tu saches que nos vies en sont pleines. Ici, les traites, c'est courant, je tenais à te mettre au courant. Que ce soit ton pote ou ta meuf, je te conseille d'être méfiant. C'est triste, mais je fais confiance quand mes parents, les seules personnes pour qui mon respect est toujours aussi fort qu'avant. La vie la pute, la vie la tasse. Pour pas la boire, il faut plus vite sortir de la masse, montrer qui t'es. Sortir tes tripes, te battre pour avoir ton fric. Chaque jour des larmes de parents coulent le long de leurs joues. Comme la pluie le long de la fenêtre, de là où je vois les enfants jouer de cours. J'observe les gens et plus je remarque qu'il n'y a pas d'amour sans haine. C'est comme le revers de la médaille, d'un côté la joie, de l'autre la peine. Les gens s'amusent à se déchirer entre eux comme des bêtes. Je sais c'est bête, souvent ils effectuent des actes qu'ils regrettent. Souviens-toi, les hommes sont venus au monde sans foi ni loi. Il n'y a pas de vie sans haine lorsque la arme dicte tes droits. Trop m'ont trahi, je reste déçu par mes proches. Mais rien à foutre, si ces chiens ne rempliront pas nos poches. La vie est témoin, entre les femmes et les mâles. Chaque dérapage ou mensonge engendre des blessures qui font mal. Il y a des choses qui s'effacent jamais, d'ailleurs je pardonne mais j'oublie pas. Adepte du tout ou rien, accepte rarement les faux pas. Je suis pas un saint, mais suis auprès de ceux que j'ai blessés. Pas de vie sans haine, je m'appuie sur mes expériences passées. Né à Brazza, progéniture d'un père souvent emporté. Ce qui fait que cela a brisé les chaînes du cœur, moment important. 3 ans mon père m'a emporté, l'amour de ma mère m'a ôté. 15 ans plus tard, regarde ce que je suis venu plus d'une fois me noter. En guise de pas qu'un quasi a cité, qui a 2 ans le juge a fait sauter. Anxiété entre la vie et la mort, je veux pas de gloire éphémère ni costume. Ça donnera pour moi moyen de subsister. J'ai pas eu les chances d'autres ont eu, j'ai pas eu la merde d'autres ont vu. Par contre j'ai eu les merdes qu'on croise dans ces cas-là dans la vie. Au bahut, je suis le caméléon, on dit que les malheurs payent. Pour preuve, je m'en sors à peu près. J'aurais kiffé la fac, merde, supplice de tantale, c'est pour moi. Je reste fort, d'autres ont clap, c'est pour moi. Antilope, ça, flow, Apocalypse, ATK, Antilope, ça, ATK, Apocalypse. Pas de jour sans nuit, pas de jour sans nuit, pas de mort sans vie, pas de mort sans vie, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Sans vie, deux extrêmes pour guider mes choix.